lorsque je pose, m'approche, je m'impose quelques pauses pendant lesquelles je repose ma gorge qui explose. Je m'oppose à mes envies de tout crier qui implose dans mes silences bien gardés. Quand j'écoute mes résultats, je redoute que ça ne me ressemble pas. Sur ma route, j'ai déclamé tant de fois, mais je doute toujours un petit peu plus de moi. Quand je déraisonne et que j'ai le seum, je me conditionne pour ne clasher personne, mais j'affectionne tellement les flots qui résonnent alors en moi que je me raisonne pour ne pas atteindre la fin des limites que je me fixe et que j'appelle mes droits. Pourtant, quand l'inspiration atteint mon stylo, je peux pas éteindre la flamme qui consume mes mots. Alors j'assume ma plume qui ne laisse souvent les mines fumantes, puisque pour poser mes amertumes, je me sens tout le temps en manque de temps. Je fume les minutes avec les rimes qu'elle m'offre. Souvent, je fonce droit vers la chute comme si c'était une catastrophe. Mais dans mes vers et mes strophes, y a pas de frontières limitrophes. Y a juste des envies passionnelles, de l'écriture obsessionnelle, des ratures rebelles que je finirai par rendre belles, puisque pas un de mes brouilles on ne va finir au fin fond d'une poubelle. J'ai pas envie de devenir cruelle, mais j'évite de me tourner vers le ciel histoire de ne pas me la jouer spirituelle. Je cherche le fond comme la forme. J'aime pas stagner dans les normes. Je préfère sortir des sentiers battus, utiliser les termes qui ne me sont plus inconnus, repousser les limites des consonances et mettre ma respiration en souffrance. Je fuis le silence, enchaînant mes frasques verbales. Je me fais pas de mal puisque le slam est devenu un réflexe quasi vital. Je veux toujours aller plus vite, que mes cordes vocales prennent la fuite, perdre le sens de mes mots dans des one-shots autant le poids sous lequel ploie mon dos. Je crève d'envie d'aller plus loin, que les rêves de ma vie soient atteints. Je veux dépasser les trêves de ma voix, repasser mes brèves aux abois, manquer de souffle, que ma peau sente le soufre, que ma gorge souffre, mais arriver enfin au bout de cette course. Je veux prendre l'inspiration réparatrice qui me fera sentir que ma vie est dominatrice. Atteindre l'instant inexplicable que d'autres slameurs en speed ont touché. Là où tu sais que ça fait du bien de respirer, même si parfois tu préférerais t'en passer. Mais tu comprends alors que tu peux pas oublier. Quand tu sens chaque alvéole se déchirer dans tes poumons, quand le sang retrouve tes artérioles dans un giclement t'évitant l'extinction. Putain, tu peux pas t'imaginer comme pour cette seconde on a envie de tout donner. Quand tu te sens partir en vrille, juste parce que t'as le flot qui grille, mais que t'es grillé d'avance, parce qu'en vie t'as pas la chance de dépasser les limites que tu appelles alors bad trip. Combien se sont voulus comme tombant à genoux pour ressentir ce souffle tant attendu. Le souffle pour lequel tu souffres, que tu atteins difficilement. Moi je l'attends dans chacun de mes temps.